Mesdames et messieurs, l'artiste qui nous vient aujourd'hui, c'est Jadoul. Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à avoir rentabilisé la machine à café du studio. Mais c'est aussi le numéro 1 du samedi soir. Et ça, c'est vraiment pas mal, non ? Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Vous êtes dans Jadoul, j'espère que vous passez une belle fin de soirée. Enfin plutôt, c'est quoi Kylian ? C'est le début de le début de la soirée ? Alors, moi je dirais plutôt c'est une soirée. Enfin quoique c'est vrai que les jours se rallongent donc à mon avis ça doit être le début de la soirée sans être la soirée en fait. C'est le moment de faire le barbecue tout simplement. Ça va faire un an que je fais cette émission, je sais toujours pas à quelle heure on est. Non, 20h-22h, j'espère que c'est le rendez-vous que vous avez attendu durant toute la semaine, car moi franchement ce petit moment qui me fait tenir durant la semaine quand j'ai un petit coup de mou, je me dis ah ben voilà, je vais retrouver les auditeurs que j'aime tant, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça y a rien de mieux pour nous. Et so j'achète. Et c'était quoi ça? C'était une... Je sais même plus comment il s'appelle l'autre là. Jean-Marc Généreux. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Tu commences quand même l'émission là-dessus. Il a pris un coup sur la gueule. Ah oui, je vous annonce. J'ai dit gueule. Ah oui, merci Kylian, j'avais complètement oublié. 5€ dans la cagnotte Hilar FM que tu rajoutes tout de suite, car on vous rappelle, dès qu'on dit un gros mot dans cette émission, pour des questions de politesse et de CSA et compagnie, on rajoute 5€ dans la cagnotte Hilar FM, qui est à combien? On va calculer ça durant la musique. Car Elle est vers 1700€. Non, elle est peut-être dans les 150€ pour l'instant, donc pour vous dire les conneries qu'on a dit à l'antenne. Bon, ce soir, beaucoup de choses à voir, beaucoup d'actualités, j'espère que vous nous écoutez un petit peu de partout, et que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Tous les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde. Sont ouverts, même tout rouge pour Hilar FM parce que c'est les couleurs. D'accord. Ah oui, et annonce officielle, et là on va sauter de joie car on a cassé le standard téléphonique. Voilà. Et on s'est plus passé d'appel durant 2 semaines. Alors, je voulais te dire, tiens, maintenant qu'on est un peu dans l'ambiance un peu festive, il y a un nouvel effet sur la console. J'ai peur. T'as peur, oui. J'ai donc c'est peur. Le bouton 4. Ouais, ben c'est sûrement les effets. Ils ont appelé l'effet comment? L'effet raté. C'est l'effet. Ah ouais, je voyais un nouveau. C'est l'effet papillon, je crois. Non, c'est marqué cauchemar, si, si. C'est ça? C'est l'effet papillon. Tu connais pas? Si, mais. Ah. Tu me fais beaucoup de peur. Vas-y, teste un peu. Je le lance, j'ai très peur. Hein. Je le teste. Vas-y, teste. Ok. Jadoul. C'est une horreur. Mais là c'est bien, on peut même composer des musiques à l'antenne. Attends, vas-y, on teste. Non, t'es fou toi. Si. On va perdre des auditeurs à la seconde. Non. En tout cas voilà, on a donc fait un petit peu le topo de ce qui va se passer. Alors beaucoup de musique que j'adore en ce moment, notamment Oshi, Ta Marinière qu'on va voir juste après. Et là maintenant c'est Calvin Harris, One Kiss, que l'on va s'écouter. Et donc One Kiss, comme Kylian ne me disait hors antenne. One Kiss. Ouais, c'est ça, rattrape-toi. Et voilà. Il faut qu'on vous raconte quand même tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Car l'émission a failli ne pas avoir lieu. Et voilà. On vous expliquera pourquoi. Car c'était complètement dingue ce qui nous est arrivé. Et je pense que vous allez aimer. Et si vous voulez nous joindre, par contre, vous pouvez nous appeler. Mais nous, on ne peut pas vous appeler. C'est pour ça que j'ai dit que c'est génial qu'on a cassé le standard. Non, rigolons moins. C'est balou. Pourquoi? Mais si on sait pas les appeler. Mais eux ils peuvent nous appeler. Bah oui. Mais nous on sait pas les appeler. Mais oui, mais bah, imagine, admettons qu'ils gagnent un cadeau. Oui. On sait plus les rappeler. Ça c'est ballot. Il vient de me péter 25% de l'émission. Mais non, on trouve toujours des astuces. C'est pour ça qu'il y a les réseaux sociaux. Oui. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Gros tocard, hein. Et ça c'est pour moi, c'est 5 euros. Allez hop, c'est parti. Voilà. Et j'en dis autocard, pas gros tocard. Je vais devoir trouver une solution de rechange pour ma séquence au milieu du peuple qui vient de tomber à l'eau. Quoique, non. Hop, on y va, on change la conduite en direct. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire un défi Facebook. Ouais. On va essayer de faire monter ma page en termes de like. Eh ouais. La page de l'émission, c'est Jadoul Thomas Jadoul sur Jadoul Thomas sur facebook.com. Et donc comme ça on va essayer de fixer un certain nombre de likes à atteindre d'ici 22h. Voilà. Ouais, on va essayer. Je vais regarder combien j'ai de likes. On lancera le défi et comme ça on fera des petits points régulièrement durant toute l'émission afin de savoir si on pourrait atteindre un objectif en termes de likes. Et je pense que ça pourrait être le défi sympa de la soirée pour changer de l'objet du peuple, non ? Ouais, mais il faut faire péter le like, hein. Péter, hein. On doit le sentir jusqu'ici. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'était le petit côté. Ah, le côté propre, le côté glamour qu'il y a bien en Kylian. Monsieur propre. Une marque à l'antenne, ça vaut. C'est pas une marque, ça veut dire que je suis propre, monsieur. Je suis propre. Ah bon, ouais. Voilà, je n'ai pas cité. Non, mais déjà, c'est on a dit qu'on ne mentait pas à l'antenne. Je n'ai pas menti. Mon nez ne s'allonge pas encore. Ah là. Et attends, j'étais en bas à Hilar FM et tu sais ce que j'ai entendu ? Bah, la ton premier, de ton premier, non pas elle, ah. Encore heureux. Jean-Michel, non, en train de pisoler. J'ai entendu ta première panne technique à l'antenne. C'est vrai ? Ouais, j'ai entendu. Ah. Avec le jingle alerte, j'ai eu peur. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, il faut taper sur les doigts de gars de la régie. Non, c'est même pas nous. C'est non, c'est un problème informatique, voilà. Parce que même en bas, ça a bugué. Donc ça a bugué partout. Il y a eu un problème dans tout le bâtiment. Ça y a tout qui a frisé. Il y a tout qui a tous les. Il y a eu un arrêt sur image sur absolument tout ce qui avait dans le studio, dans la radio, sur Hilar FM, à peu près voilà. Partout. D'ailleurs, il paraît que voilà, il y a quelqu'un qui vient de monter là sur le plateau et qui vient de me dire, enfin quand t'étais pas là, mais et qui m'a expliqué qu'il était aux toilettes et que même la lampe s'est coupée, quoi. Il était dans le noir complet, quoi. Elle a chassé de tirer. Et alors, mon Dieu, là, il est parti et on ne l'a plus jamais revu. Et là, on peut vous dire que c'était le premier drame qu'on a vécu sur Hilar FM. Et officiellement, je pense qu'il paraît que vous êtes dans Jadoul de 20h jusqu'à 22h. Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Alors Kylian, je t'ai un peu piégé. Je te l'annonce officiellement, tu peux... Tu peux me haïr après. Mmh. J'ai enregistré quelque chose qui s'est passé hors antenne. Oh. On le réécoute tout de suite dans Jadoul. Non, c'est pas nécessaire. Si, c'est parti. Attends, je vais essayer de te le recaler. Hop. Je suis mieux. Voilà, parce que c'est en direct, hein, donc j'ai pas pu encore analyser ce qui a été enregistré. Attends, ça c'est lui. Mesdames et messieurs, bienvenue ici dans Qui veut gagner du pognon. Ah mais c'est même pas ça. Certains spectateurs, bienvenue ici sur TF1 pour gagner l'émission Qui veut gagner des... Millions. tous les vieux enregistrements et tout. Mais d'abord nous lançons la petite page de pub, c'est parti. C'est parti. Arrête, il fait parti. Oui. Donc Kylian, il est bien enregistré là. Hein. Oui, ça j'ai. Un ami ou alors l'aide du. Je vais essayer de te retrouver le moment. Hein. Mais ça c'est toute la vidéo qu'on avait fait ça. C'est un truc. Sur notre application. Picasso qui a peint Guernica. Picasso. J'ai dit Pikachu. voilà, GGG. Voilà, ça s'est passé juste avant qu'il prenne l'émission. Il a eu un fou rire, un énorme fou rire, c'était incontrôlable. Mais dans le toit, le con. Attends. Oh. Il a tapé dans le toit, le con. Putain. Bon, vas-y. J'aime pas ce truc qui pète. Qu'est-ce que c'est ? Vite. Merde. Oui. Attends, comment on coupe ça ? Attends. Mais ils vont se demander qu'est-ce que j'ai dada. Ils vont se demander qu'est-ce qu'on faisait. Non, alors, si vous étiez dans le studio, dans la régie, il se passe pas ce que vous pouvez vous imaginer de plus, comment dire, pour adulte, voilà. Hein? Il ne se passe rien de tout ça. Voilà. Enfin, il ne se passe plus rien de tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Rien. J'ai quand même dit le mot. Hein ? Je ne vais pas insister, puis alors, ça a fait. Mais comme c'était hors antenne, je ne te le facture pas. D'ailleurs, t'en es où t'es en train de... Il est en train de compter toute la cagnotte. Alors, je suis en train de compter, oui, j'ai une crampe à la main. Oh là là. Oui. Art the Champions. Ah, non, mais je t'écoute parce que tu fais oh là là. Bah, parce que je vois qu'il y a des bars un peu partout. Des bars un peu partout. Oui, ça s'appelle une ville. Attends, voilà, exactement, des bars. Des attends, je pense que j'ai retrouvé vraiment le moment en rentaine. Attends, je l'ai. C'est Bernadette Chirac, ça n'a rien à voir. Si. Je l'ai, attends. C'est ça? Donc, je ne sais pas. Bonsoir. Ok, c'est pas ça. C'est quoi ça? Bonsoir. C'était toi. Je sais pas du tout. Bref, je l'ai plus, mais en tout cas, c'était très marrant et bah, on gardera ça pour nous alors et ça m'apprendra à vouloir faire le malin avec la technologie alors qu'on est quand même dans le studio d'IAR FM qui d'ailleurs est très bien. Voilà, si on peut cirer un peu les pompes. Non, Kylian, on est en train de voir en ce moment pour le défi Facebook. Oui, on met ça en place. Sur la page de l'émission, ma page Thomas Jadoul, qui fait office de page de l'émission. Autrement dit, Thomas de Bercake. Thomas de Bercake, c'est qui ça déjà? C'est. Oh non, si, oh si, non si. Place Royale. L'émission belge qui suit là. Bah, on a parlé de. Hein? Alors, non, comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom maintenant. De qui tu parles? Jacques. Chirac. Bernadette Chirac. Bernadette Chirac. Et oui, Bernadette Chirac. Mon Dieu, il me fait de la peine. Bon, enchaînons. Sur la page Facebook, voilà, c'est une petite page Facebook où je n'ai pas été forcément très actif, donc il n'y a que 169 likes sur ma page Thomas Jadoul sur Facebook. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'atteindre les 200 pour 22h. Ok, le mec il s'en fout. Je suis dans la compta. Ah oui, il est alors, en train de compter. Si tu chamboules. Il fait les finances de l'émission. Voilà. Il est en train de voir combien est-ce qu'on doit à Hilar FM pour avoir dit des vulgarités dans cette émission. Effectivement. Et je vois que tu n'es pas mal dans ton cas. C'est vrai. Je dois beaucoup. Bon, rien que sur une page, on a quand même. Alors, 1, 2, bon, je vais laisser 45, tomber. 45, 65. Oh, je dois presque 65 euros rien que sur cette émission-là. Oh là là, parce qu'on accumule hein, sur toutes les émissions. Donc, Ah bah oui, t'avais marqué. Moi, je m'amuse à compter. Ah mon Dieu. Oui. Je vais certainement devoir mettre la main au portefeuille. Oh non, tu vas pas devoir certainement, c'est sûr. C'est sûr, toi aussi. Donc, oui. Fais pas le malin. Oui, c'est vrai. Allez, on salue ceux qui arrivent sur le live Facebook, sur la radio, si vous nous écoutez dans la voiture, vous êtes peut-être dans les bouchons, dans une des villes où on aimait, et on vous embrasse et on vous souhaite bon courage. Quoique, je pense quand même à toutes les voitures qui n'ont pas encore de clim et qui se retrouvent dans ces chaleurs-là, en train de suffoquer avec les fenêtres grandes ouvertes. Je pense à vous si vous êtes dans ce cas-là. C'est vrai qu'il doit avoir méga chaud. Bah, d'ailleurs, ici au studio, on a dû ouvrir la fenêtre. Donc, la fenêtre grande ouverte. Donc, il y a des voisins qui sont en train de jouer au badminton là-bas ou au tennis, je sais pas du tout. Et voilà, je leur fais coucou, je fais un grand signe. Et le mec m'a regardé un peu bizarrement. Salut. Salut. Par la fenêtre du studio. Et il a vraiment regardé. On est vraiment une bande de bras cassés. Ah tiens, Romain au standard, non, au live Facebook, salut. Bah, on te salue également. Tu veux des jumelles? Non, je regardais tout simplement. Ok, très bien. D'ailleurs, non, j'allais dire encore une bêtise qui servait à rien. Voilà, voilà. Au moins, je vous ai mis sur la page Facebook d'ailleurs, c'est l'occasion d'y aller pour aller la liker, pour atteindre les 200 likes d'ici. Moi, je vais la liker. Si c'est pas déjà fait, t'es viré. J'ai publié la vidéo d'un. La photo d'un auditeur qui m'a envoyé sa glacière avec une vieille affiche de l'émission qu'il a un peu customisée. C'est juste à se tordre de rire. Donc je vous ai publié ça sur la page, je vous invite à aller voir. C'est sur ma page Thomas Jadoul. Vous pouvez la retrouver sur Facebook et également sur les autres réseaux sociaux. Et puis de plus, si vous voulez comme cadeau, on peut vous l'offrir tout simplement. Voilà, on va essayer de demander à la personne de rendre la boîte. La glacière. Voilà, la glacière, et puis on va vous la faire gagner. Ah ouais, donc en fait les auditeurs tu les respectes au point de leur offrir les choses qui leur appartiennent. Bah pourquoi pas, ben non, on prend à la personne le glacier pour la donner à quelqu'un d'autre. D'accord. On est le troc. Vous, tu fais du troc. C'est fini. Allez. Jadoul troc. Jadoul troc, bien sûr. On fait un petit coucou à Cheyenne qui vient d'arriver dans le live Facebook. Tiens, pour une fois qu'il dit bonjour dans le live Facebook, ça change un petit peu. On n'est pas habitué. D'ailleurs, Cheyenne, c'est pas les bombes de parfum ou de. Ah non, c'est Cheyenne. Cyan, rien à voir. Le mec à côté de la plaque. Oui, mais on peut dire Cheyenne. Cheyenne. On revient dans l'émission de samedi passé. Ah oui, samedi passé. C'était génial. Je vous ai mis l'extrait sur la page de la RFM avec un auditeur qui avait gagné l'objet du peuple et qui se fait passer pour un restaurant chinois. Rien à voir. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous, comme des grandes personnes intelligentes, on a cassé le standard téléphonique. Donc on n'a plus la possibilité de passer d'appel, mais vous pouvez toujours nous appeler au plus 32 49 9 15 75. Tiens, Cheyenne, sur qui t'as vanné le prénom, elle t'a répondu un petit peu. Hein. Oui, je vois ça. Tu t'es loupé. Alors, le surnom... Tu peux couper le son de ton téléphone hein, quand t'es sur le... Ah, c'est mon téléphone. C'est ton téléphone qui fait ce bruit. Alors, donc elle a comme ultra petit pro. Un surnom qui fait un peu penser à un chien ou à une saucisse. Attends, Ah ouais. Oui. Donc elle a répondu, vas-y. Tu t'es loupé, Kiki. Ah ouais, voilà. Quand même. Kiki, j'adore. C'est vraiment un nom de clébard. Oui, effectivement. C'est pas grave. Ah bah non, c'est pas grave. Alors on a un message encore une fois. Johan, coucou Thomas et Kylian. Bonjour Johan, comment ça va? Voilà, on vous embrasse si vous nous écoutez pour la première fois. Et si vous nous rejoignez, je m'appelle Jadoul, nous sommes en direct. Vous êtes dans la première émission du samedi soir en direct. Et moi, je vais changer le 19-20h, je vais mettre le Welfring. Bien sûr. Alors, à je voir. Vous propose que donc on refasse un point dans quelques instants sur l'objet du peuple. Non, le défi Facebook qu'on a lancé avec merci Kylian de m'aider, je te lance une grande bouée de secours. Lâche ton téléphone, bordel. Je suis sur le live Facebook. Je suis, gars, il y a encore un message. Oui, mais on doit être avec les gens. À un moment, il y a des moments pour lire les messages, il y a des moments où on les lit pas. Oui, mais tu parles beaucoup. J'essaie de te suivre. Ça chamboule. Oh là là, ça va dans tous les sens. Hein. On ne s'y retrouve plus. Allez. Ah, tu sais que c'est la 9e émission avant la fin de la saison? Non, t'es sûr. Enfin, c'est la fois passée, c'était la 10e, la 9e, et la fois prochaine sera la 8e. Ah oui, ça compte ça... à rebours, quoi. Ça, j'en doute bien. Mais non, mais parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que c'est la 9e depuis le début de la saison. Voilà. Rien ça à ça voir. Peut être la 9e en passant par ça la 20e. Ça doit être la 30e. On a la 30e ou un truc comme ça. Attends, ah oui, quand même. J'ai écrit ça. Ouais, on a fait pas mal d'émissions cette saison. Je suis assez content. Pour une première, c'est la première saison quand même de Jadoul sur la RFM et sur ARL en simultané en direct. Donc si vous nous écoutez via la FM, c'est grâce à ARL et on les embrasse. On fait un petit bonjour à notre grand-mère qui s'est réveillée, je pense. Elle doit être encore de très bonne humeur. Merci, madame. Je pense que on va arrêter de vous embêter parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui s'énerve assez facilement, je dirais. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Oh. Merci, madame. Nom de Dieu. Vas-y. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Merci, Kylian. Si vous savez imiter quelqu'un ou Laurent Ruquier. Si vous, tu sais le faire, Laurent Ruquier? Attends, il faut juste que tu me le refasses écouter et je vais réessayer. Attends. Ok. Laurent, t'as quelque chose à dire? Les hommes aiment votre poitrine. Voilà. Alors, les hommes aiment votre poitrine. Merci. Bon, c'est à peu près, hein. Je suis pas Laurent Ruquier et je viens de m'arracher la moitié de la gorge. Alors, pour faire la radio avec des cordes vocales en moins, c'est pas facile, moi je vous le dis. Et si je veux le faire souffrir, je peux lui faire faire le début des grosses têtes de Laurent Ruquier. Bonsoir à tous, j'accueille aujourd'hui monsieur Jadoul. Putain, ça fait mal. J'ai dit putain, hop, un petit mot. Oh, il a dit une insulte, génial. 5 euros dans la boîte Ilar FM. Si vous voulez gagner la cagnotte Ilar FM qui s'enrichit à chaque insulte, je vous invite à envoyer un petit SMS en envoyant cagnotte au plus 32 49 9 15 75. Comme ça, vous pouvez la remporter. Ou médicaments, parce que j'ai mal la gorge. Non, ça vous passez chez le pharmacien. Tiens, si on téléphonait un pharmacien. Ah ben non. Tiens, on a plus de standard téléphonique. Donc on est pas sauvé. Je vous le dis, cette émission sans le standard, ça va être assez compliqué. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Bah oui, on va devoir passer par des auditeurs. On va leur demander qu'ils appellent à notre place. Et puis, Faites le canular à notre place, écoutez. Voilà. Allez, on remet l'antenne. Voilà. On vous bascule. Non, on peut pas vous basculer à l'antenne, c'est ça le pire. Bien, allez, on va s'enchaîner tout ce qu'il faut pas louper dans l'actualité de cette semaine qui vient de s'écouler. On va la semaine prochaine faire jour par jour, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, l'actualité, voir ce qui s'est passé, les actualités insolites à ne pas louper. D'ailleurs, en parlant de choses insolites, j'ai eu un voyage en train. C'était une horreur. Une horreur. J'ai fait 6 heures de train. Aujourd'hui, je suis complètement crevé. D'ailleurs, j'ai dormi. On va dire 25 minutes. Rien de plus. Alors, pour tout expliquer, quand Thomas vous parle de train, c'est parce que dans sa chambre, il a installé des petits rails avec son petit train. Alors, il se met à quatre pattes et puis il joue avec son petit train dans la chambre. Voilà. Donc là, il a fait 6 heures de petit train. Mais c'est pas les vrais trains que vous voyez à la gare ou quoi. Là, ça n'a rien à voir. Alors, l'amende que j'ai reçue cet après-midi, c'est une fausse. Oh bah, j'en déduis, j'en sais rien. De toute façon, s'il y a les huissiers qui toquent à la porte, on comprendra que c'était pas une fausse amende. Bonjour, monsieur Jadoul, nous enlevons toute votre radio. Merci, monsieur. Donc, non, je vous explique vite fait. J'étais dans le train. Oh, le vieux bruit de train. Genre, le train à vapeur des années 20. Truc. Bah, c'est toi qui fais un café, là. Un café. Ok, non, rien, laisse tomber. La vanne, elle aurait dû sortir par la fenêtre, là. Ouais, mais va par la fenêtre. D'accord. On est au premier étage, vas-y. Vas-y, Kylian. Allez, 3, 2, 1. Voilà, merci. Je le fais bien. Je suis un bon acteur. Et t'es déjà là? Oui, je suis déjà là, oui, j'ai fait le tour. Oh non, il a ressuscité. Mais bah, merci. Mon Dieu. C'est gentil. Non, j'écoutais comme ça pour le plaisir. Y a pas de souci. Dans le live Facebook, on a le bonjour à vous deux de la part de Kylian. Kylian, le principe, c'est que quand tu es dans cette émission, tu ne la commentes pas en même temps. Mais si, comme ça, je m'auto-mets le bonjour. Et on peut lui répondre. Bonjour, Kylian Wolfring. Je ne te supporte plus. Dis Kiki. Je craque. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on pourra faire de toi? Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Pourquoi? Bah parce que c'est un nouveau titre qui vient de sortir. C'est Kylian. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Ok. Donc ça, t'ajoutes ça sur la liste des choses à ne plus faire dans cette émission. Oh, je suis mais déçu. Ça va peut-être faire le tube. Ah, le bus. Le bus. Le bus. Le bus. Il y a le bus, il y a le train. Hein? Il y a le bus, il y a le train. Et le métro. Et puis il y a l'amende. Il y a l'amende. Allez, je vous explique. En fait, j'ai fait Luxembourg, Namur en Belgique, hein. Puis Namur, Mons. Donc j'ai parcouru plus de 300 km aujourd'hui, fois 2. Donc je me suis levé à 6h40. J'ai pris le train à 6h37. Et depuis, j'ai pas arrêté. À 10h, je suis arrivé là-haut. Enfin, 10h, 11h. Merci, la SNCB. Car le train était miraculeusement bloqué. En gros, il était. En détresse, voilà. Donc à un moment, je vous jure que c'est un miracle. De quoi? Ton train est bloqué et tu dis miraculeusement. Tu trouves ça un miracle d'avoir un train bloqué? Oui, car il s'est pas crashé. Je peux jamais estimer heureux. Oui, ça c'est vrai. Mais bon. Avec tout ce qui peut arriver, tu sais, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Donc je t'annonce que c'était comme ça dans le train. Il y a eu le contrôleur qui a fait. En raison d'un problème technique sur le train, nous allons nous faire remorquer jusqu'à la gare de Mons. Merci de patienter et de ne pas vous alerter dès qu'il y aura des secousses dans ce train quand celui-ci va être accroché à une locomotive qui va nous tracter jusqu'à la gare à destination de Mons. Et là, il y a un mec qui était assis qui a dit « Thomas, on t'a reconnu, couillon, va !» Mais non. Alors, du coup, il y avait ça. Et finalement, je n'en veux pas la SNCB car... J'ai fraudé, j'ai pas payé un seul ticket sur toute ma journée de train. Voilà, donc si vous voulez chercher après Thomas Jadoul, il est actuellement dans les studios. C'est officiel. On t'a reconnu, Thomas Jadoul. Tu... Ne te cache pas derrière ton journal, on te voit. Non mais voilà, j'ai pas payé un seul ticket. Si, le contrôleur m'a fait... Oui, écoute, Je vais quand même te faire un billet parce que bon bah enfin je le connaissais pas, c'est juste qu'il m'a contrôlé et j'ai dit oh, écoute, j'ai pas mon billet, et il m'a fait bon bah je vais te faire un billet, donne 2 euros, ça devrait aller. J'ai payé 2 euros sur le billet. Tu devais aller chercher des clopes. Tu vois, je suis un petit bénéfice. Mais j'ai le ticket en poche et je vous garantis que c'est vrai. Attends, je vais te Non, on te croit, mais ça sert à rien de le sortir, ils le verront pas. Mais non, mais ils l'entendront. Ah oui, ils l'entendront. Ah non, il est posé là-haut. Non, ça c'est ta feuille, émission, rien à voir. Et donc voilà, ça c'est le ticket qu'il m'a fait pour 2 euros. J'ai pu voyager sur 300 km. Voilà, je le déchire. Parce que voilà, on s'en fout. Voilà, hop, c'est fini. Je dois quand même aucune amende à la SNCB, étant donné que je me suis rattrapé comme je pouvais. Voilà, comme la dernière fois où t'étais censé passer inaperçu, sauf que t'as été à la gare et qu'on t'a quand même fait payer 85 euros. Ce qui n'est quand même pas rien. Ah oui, non, mais ça c'était un contrôleur un petit peu bête qui s'est dit que j'avais pas de liquide sur moi pour payer mon billet, alors il m'a foutu une amende, sauf que j'avais du liquide sur moi. Oui, il avait de l'eau. Kylian, non. Alors soit maintenant tu dégages chez Nostalgie, ou soit tu restes ici, mais faudrait faire tes choix. Nostalgie, j'arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. On te connaît, les gens dangereux comme toi. Nostalgie, attends. Mais cite-le encore une fois, je t'en prie. Mais c'est toi de base. Hein. Je suis cité une fois, c'est bon. C'est pas un dauphin d'ailleurs. Ah non, c'est... Si, hein. D'accord. Le logo. Ça, c'est Radio Contact. Ah oui, mince, je confonds toutes les radios. C'est pas grave. On va te sortir de l'antenne, c'est pas grave. Vous êtes dans la première émission du samedi, c'est le 20h-22h qui ne vous lâche pas, étant donné qu'il est 20h30, on est déjà au premier quart de l'émission, c'est pas vrai ? Ah, j'adore cette nappe. Ah oui, un titre, je l'ai adoré. Je n'ai pas l'autorisation de le diffuser, mais j'en ai rien à foutre. Oh non, j'ai dit une insulte. Hop, 5 euros pour moi. Tu peux rajouter Kylian, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, mon petit bonhomme, on est poli. Et c'est Play de Purple Disco Machine. Je suis juste fan. On l'a écouté juste avant l'émission. Je trouvais ça assez sympa, assez entraînant. C'est en mode été, non ? Tu trouves pas ? Si, c'est samba. T'as l'impression qu'il y a un mec qui va faire « Les cocktails se trouvent dans le fond de la plage !» Et ce soir, on va lancer du coco. Ça swing. Mon Dieu, j'en peux plus. À l'aide, mon Dieu. C'est le moment de se déhancher. On bouge les cocottes. Vous êtes dans la seule émission du samedi soir qui est en direct, car chez toutes les autres radios, c'est actuellement désenregistré. Donc vous avez le privilège, je dirais même la chance de et pouvoir... L'honneur. Et l'honneur, Kylian, effectivement. Et l'odeur. Et l'odeur. Et l'odeur. On va vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Juste après, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Également, les news de la semaine, la question de la semaine aussi qui va arriver. Mais on va aussi maintenant faire le jeu des 5 mots. Ça faisait longtemps. Je me suis dit que ce serait l'occasion de faire revenir cette séquence qui était assez sympa, je dois dire. Je pense qu'elle te plaît aussi, Kylian. Bah, j'adore. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on va passer au jeu des 5 mots. Si je retrouve le jingle quelque part qui est encore perdu car on l'utilise pas trop souvent, voici le jingle du jeu des 5 mots. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Pour rappel, les règles, c'est que Kylian me fait deviner 5 mots sur un chrono de 30 secondes. Si je trouve... Tous les mots, c'est moi qui gagne, donc il ne se passe rien. Et si je perds, c'est un auditeur qui gagne un des cadeaux de la vitrine que l'on avait en ce moment. Ben voilà. Alors, on va vous l'expliquer directement, comme ça, ça va être clair. Ça pue le thon. Thomas mange du thon dans la régie. Non, je ne mange pas du thon. Non, c'est une salade de thon. Oh, une salade d'odeur, oui. Ben, c'est peut-être certainement bon, ça, je n'en dis pas le contraire, mais moi qui n'aime déjà pas fort le poisson, c'est vrai que ça, ouais, ça arrache. Oh, c'est une vengeance. Bon, allez, on peut partir pour les 30 secondes, Kylian ? On peut partir et on revient dans une heure. Allez, c'est parti. Alors, premièrement. Oui ? On me trouve dans l'herbe. Des mauvaises herbes. Non, je peux sentir bon, c'est beau. C'est pas toi. Ça pousse. C'est une fleur. Bien. Alors, okay. C'est un peu le même style. C'est très grand. C'est très grand. Il y en a beaucoup. C'est un arbre. Bien. Je fais de la musique là-dessus, parfois. Un synthé. Oui, mais bon. Un piano. Un piano. Bien. J'en ai un. remue la queue. Ça a sonné, donc c'est terminé les 30 secondes. Donc, j'ai bien parce qu'il a quand même réussi à caser. Ouais, écoutez, je fais du piano. vous me connaissez pas. Je compose des choses. C'est vraiment ça, non? Bah non. Alors, je peux vous composer un son. Si on rajoute 10 secondes supplémentaires, mais ça ne compte pas. Cette façon, les auditeurs qui mais ont gagné. Mais il reste deux trucs. Allez, on y va pour les deux en 10 secondes. C'est parti. Ah, c'est parti. Pardon. Alors, ça remue la queue. Un chien. Voilà. Et le dernier, t'en as partout, autour de la maison. Des câbles. Non, il y a des fleurs. Des voleurs. Il y a les fleurs qui sont dedans. Pas vraiment. Enfin, entre guillemets, oui. T'en as partout autour de la maison, du bâtiment, je veux dire. Des potes fleurs. Non. Ça chatouille les pieds quand tu marches dessus. Qu'est-ce qu'il me raconte? Quand tu te garçon. Roules dedans, ça fait des taches vertes sur le pantalon. De l'herbe? Mais oui! Mais on l'a pas déjà. Ah non, on parlait de fleurs. Ah, j'étais persuadé qu'on avait dit herbe. Oh mince. Bon. Et ça chatouille les pieds quand tu marches dessus. Donc, c'est sympa. Je ne sais même pas quoi te dire. Voilà. Bah, si tu sens ça, c'est qu'il est temps de changer de chaussure. Donc, finalement, c'est les auditeurs qui ont gagné ce jeu des 5 mots. Bravo à vous. Et on vous fera gagner donc un des cadeaux qu'on a en stock. Là, qu'est-ce qu'on a en stock encore, Kylian, d'ailleurs? Alors, nous avons des albums de musique. Des albums, ouais. Des albums. Chouette. Oui, bah oui. Mais ils sont là, ils sont très bien dans notre studio. On attend encore des grands gagnants. Ils attendent de vous être envoyés, donc ils sont avez peur. Il faut pas. Il faut se rebeller. Pourquoi il faut se rebeller? Mais pour venir jouer à la radio, ah, participer. Oui. On aura une émeute bientôt, on entendra à la télévision. Se trouvent devant les locaux d'Hilar FM. Ils sont là pour dévaliser la caverne au cadeau. Autrement dit, la banque. La banque? La banque. La banque. La banque. Mais la Banque de France Attends, j'ai une blague. Enfin non, c'est pas une blague en fait. Oh là, attention, blague de Kylian. Mais c'est pas une... Alors, pour être... Ah purée, ça pue le ton, hein. Mais c'est vrai. En plus, il y a un courant d'air, là, paf, dans le nez, quoi. Non. Alors, on m'a dit... Donc, parce que j'ai envoyé sur Snap, j'ai mis... pour qu'on m'envoie 5 mots. Comme ça faisait du suspense et ça faisait participer les auditeurs. On m'a répondu... Bon, on a commencé par « je ». Ensuite, le message qui suivait, c'est... Non, rien, MDR. J'allais dire... Je, tu, il, nous, vous. Mais c'était nul. C'est ce que la personne m'a envoyé, voilà. Elle a bien dit, mais c'était nul. D'accord, bien. Donc, mais c'est vrai. Après ce douloureux épisode de Kylian Wilfried. Mais non, mais c'est vrai, en fait, j'aurais pu faire le jeu comme ça. C'est pas bête. Avec les auditeurs. Mais oui. Non, te faire toi deviner. Genre, première personne du singulier, deuxième personne. Ça aurait pu être bien. Et très long. C'est pire qu'un film des tuches, mais en non, fait. Non, parce que c'est 5. C'en était 5. Non, c'est une belle idée, c'est une belle blague. Bah, tu proposeras ça quand on préparera l'émission et on verra comment on va recueillir l'idée. On va bien l'accueillir. On va voir comment on va procéder à ça. On va appeler le médecin déjà pour venir te récupérer. Oh, tiens, d'ailleurs, si on peut faire une petite news de la semaine, tiens. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. C'est un petit peu technologique. Sur l'application Snapchat que tu utilises beaucoup, tout comme moi, Kylian, il y a une nouveauté qui s'appelle Travel. C'est voyage en anglais, tout simplement, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Kylian, qui est un grand bilingue, peut nous faire une phrase complète en anglais avec le mot Travel. Hello, I'm Travel. Merci. Et en gros, ça fait que si par exemple, comme moi, vous prenez le train de Luxembourg jusqu'à Mons, en Belgique, eh ben ça va vous faire tout l'itinéraire sur une carte qui va dire Thomas s'est déplacé de Luxembourg à Mons avec le trajet. J'ai fait une capture d'écran, c'est assez marrant. Comme quoi, on est vachement fliqué sur les réseaux sociaux. Fliqué. C'est une vieille expression, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Effectivement, nous sommes au début du 19e siècle. C'est vrai que nous avons été fliqués lorsque nous avons été à Mons. Ok, très bien, merci. Le petit rire écho là. Le petit rire écho. Mais c'est chouette ton petit rire écho. Le petit rire écho. Ah ok. Ah ok, oui, bien, bravo. Merci la régie. Action réaction hein. Non mais on fait une petite partie de ping-pong. Vas-y, ouais. Allez, attention, c'est parti. Mais je mets la balle en jeu. Je vais gagner. Ok, bah je l'espère pour toi, mais moi je l'espère gagner quand même. Allez, attention, on y va. Non, j'ai pas réussi. Très bien. Allez, vous êtes dans Jadoul, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Il est 20h43, dans quelques instants, toutes les actualités insolites qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité. Kylian va nous faire encore 2-3 petites choses qui, j'espère, vont vous faire rire. Mais bon, ça, c'est toujours le problème de Kylian. Il s'est encore fait mal. Comment t'as fait? J'ai voulu remettre mon casque et je me suis tapé les doigts dans le micro. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je lis un commentaire. Alors, il y a oui. Cheyenne qui nous dit... Mais qu'il est laid, lui. Ok. Voilà. Et... Bah j'en sais rien. Ok. Alors je vais vous faire une petite news, si tu le veux bien. Est-ce qu'il refaut le jingle des news de la semaine ou pas? Parce ouais, que j'ai vas-y. Pas. Si. Ouais, mais il est sympa, mais il est long. Monsieur de la. Bon, bah ça. Monsieur de la. Bon, ça ne regarde pas, Thomas. Mais j'ai rien dit, moi. Monsieur de la régie, un petit son, s'il vous plaît. Un petit jingle. Bravo. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Le site 20minutes.fr nous rapporte qu'en Inde, dans le train, le vendeur de thé préparait ses boissons avec l'eau des toilettes. C'est complètement dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est fou. Mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment est-ce que ça peut traverser l'esprit d'un hindou de faire l'eau de ses boissons avec l'eau des toilettes du train. T'as le prénom du monsieur? Le prénom, oui, c'est. Je l'ai. Je l'avais vu quand j'ai lu l'article ce matin quand j'ai préparé l'émission dans le train. Ah non, je l'ai pas. Je sais juste qu'il a encouru 1246 € d'amende et que c'était dans l'état de Telangana en Inde. Nom qui... de Dieu! Oui. C'est le gars qui nous sert le thé. Qui? Mais c'est Hindouk. Hindouk. C'est qui Hindouk? C'est celui qui sert le thé chez Hilar FM. D'accord. On a Hindouk maintenant. Voilà, Hindouk. Ok, très bien. Hindouk, Dedouk et trois douk. Oh mon dieu. Je sais pas ce qui se passe. Non, s'il vous plaît. N'insistez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille dans mon cas, dans ma tête. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'écoute Oshi, ou alors je fais encore une petite news tant qu'on est lancé. Ouais, bah après, allez, c'est parti. On continue, on est lancé. Est-ce que je peux avoir un petit bed? Voilà. Il s'avère que c'est une vidéo complètement folle. C'était. Je vais te dire où. Ce qui est drôle quand même, c'est qu'après Hindouk, il y a Oshi. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Moi, on les a jamais vus deux ah fois oui, dans la même pièce. On va écouter Oshi hein. Dans un instant, ça va être sympa. Donc, des automobilistes se sont arrêtés sur la chaussée pour ramasser des billets verts. Les portes d'un fourgon blindé se sont ouvertes aux États-Unis, dans l'Indiana, mercredi matin. Et des centaines de milliers de dollars se sont déversés sur la chaussée, provoquant une euphorie générale rapportée par la chaîne ABC. Donc il y a plus de 600 000 dollars qui sont tombés sur l'autoroute. Donc t'imagines, tu vas à ton travail le matin et t'as un fourgon qui s'ouvre et t'as tous les billets qui te tombent sur le capot. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes? T'accélères? Tu fais quoi? Alors, premièrement, je sors mon fusil, je tue tous les gens qui sont derrière moi. Ensuite, on va même... Ah oui, faut que ça pète. Hein. Tu fais que postillonner. Ensuite, je mets la voiture de travers sur la route. Comme ça, personne ne s'est passé. Ça crée un carambolage monstre. Voilà, je cours vers les billets. Je les mets dans mon t-shirt. Je les fous dans le coffre. Je retourne rechercher les billets. Je les remets dans le coffre. Je retourne rechercher les billets et je fais un arrêt cardiaque parce qu'il fait tellement chaud que je ne sais plus arriver jusqu'à ma bagnole. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez dans ce cas-là? Plus 32 49 9 15 75. C'est le numéro de téléphone qu'il faut appeler si vous voulez réagir avec nous en direct. Ou sur le live. Tous les appels ou sur le live Facebook si vous êtes un internaute. Je ne sais pas si ça se dit. Un internaute. Alors, bonsoir, monsieur les internautes. C'est à l'ancienne, effectivement. Est-ce que Oshi est prête? Est-ce que Oshi peut me faire signe? Oh. t'as pas envie de mettre ta salade de thon autre part, quoi. Tu veux que je la mette sur la fenêtre? Mais il y a... Oh, bon. Bah, je sais pas, mais je te jure, j'ai vraiment un courant d'air qui vient et qui m'apporte... Mais on me l'a offerte. Qui m'apporte toute la mer, la côte belge, là, dans mes narines. Eh ben, toi qui voulais un peu d'exotisme. Oui, bah là, c'est même plus de l'exotisme, là, c'est de la torture. Non, mais, Kylian, entre nous, je vais te demander de t'imaginer dans un endroit... Dans un endroit plutôt calme, comme la mer, tu vois, et respire cette bonne odeur que tu sens et qui rentre dans tes poumons. Par contre, mouche-toi parce que. Putain, j'aime moucher l'oreille. Ah merde. Ah, tu faisais une blague et ça c'est vraiment. Ok. Ah ouais, sinon ça s'est vraiment bouché. C'est dégueulasse. Tu es quelqu'un de sale, Kylian. Mais non, elle s'est bouchée, j'y peux rien. Donc imagine-toi sur la plage. Alors, cette fenêtre de toi, t'es allé voir sur velux.be? Ah quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, la fenêtre de toi, c'est pas, ah, c'est non, pas la plage, c'est une fenêtre de toi. C'est la coupure pub qui s'est lancée en fait. Il y a la pub qui s'est lancée. En fait, j'ai oublié de lancer la pub. Alors du coup, à l'Ilar FM, ils l'ont lancée tout seul. Mais je vais les taper. Non, je vais rediffuser ça après. Donc imagine-toi dans une plage. Tout se passe bien. Oui. Ah, déjà, ça peut pas bien se passer parce que j'ai le son à fond dans mon casque. Hein. Là, c'est l'agression là. Vas-y, je m'imagine. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi tu dis ça? J'en sais rien, moi j'entends. Ah, okay. Donc tu es bien. Mais je ferme les yeux, j'entends une voix. Tu es sur la plage, imagine un grand plat de fruits de mer qui s'amène vers toi et qui te donne cette odeur magnifique que tu sens actuellement. Je sens, c'est pas une odeur magnifique, c'est. C'est? Bah c'est. Oula, bah c'est l'odeur de thon, moi je. Oh, attends, tu sais à quoi ça me fait penser? Mais tu m'as demandé. Attends, oui, mais c'était. Attends, mais non, mais. Un papier avec marqué voix d'ovni. Alors mais moi, je voulais que toi tu parles. Je lui mets les faits et lui il fait. Oh, c'est sympa cet effet. Mais en fait, je voulais que toi tu parles et que genre. Tu vois, quand je suis dans mes pensées, hein? Une voix d'ovni, paf, vient et casse tout le bordel, tu vois. Ça doit péter, c'est un film d'action. Bon, maintenant c'est trop tard. Mais. Tu prends de la drogue ou ça se passe? Non, mais en revanche, remets un peu, ça me fait penser à une émission, vas-y, remets. Et donc, le suspect m'a tapé, je n'ai pas osé riposter. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, quand il vous a accosté cet étranger qui voulait voler votre sac? Alors, je lui ai mis une salade de phalange dans le visage, j'aimerais autant vous dire que la salade, c'est pas une salade de thon. Mais qu'est-ce que... Oh non, Kylian, je suis désolé, ça peut plus durer, je sens que tu vas sortir. Tu peux plus rester dans ce studio. Bah, si ça sent moins fort que la salade. Ça sent dans tout l'étage. Donc c'est terminé. Allez, Oshi, maintenant il était temps parce que depuis le temps que je l'annonce, il serait peut-être temps qu'on y passe. Puis depuis le temps que vous te retiens. Vous êtes dans le 20h-22h, c'est Jadoul jusqu'à 22h. Je vais te le dire, c'est pas grave, comme ça vous derrière répète. Derrière ta cigarette, ton miroir. Jadoul, 20h-22h sur Ilar FM. Vous êtes dans la première émission du samedi soir qui est là avec vous et qui vous accompagne. D'ailleurs, on a un petit SMS au standard qui est arrivé dans le live Facebook de Aubin qui nous dit « J'adore l'Afrique, ben, on te rend hommage Aubin ». J'aimerais juste comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit « J'adore l'Afrique ». Ça me fait beaucoup rire quand même. Oui. c'est particulier, hein. C'est très particulier. S'il aime l'Afrique, il aime l'Afrique. Hein. Allez, Kylian va nous rappeler tout de suite notre petite alerte, notre défi Facebook. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement sur Ilar FM. C'est Kylian, pas le ministre. Ah mince, mince. Monsieur le Premier ministre. Non, alors oui, alors... Donc, tout simplement, Jadoul, qui est à côté de moi... C'est moi ! ...a mis en direct... Oui ! ...une vidéo... Enfin, une vidéo, non, rien à voir. On est en live sur Facebook et on vous demande d'aimer à plus de 200 j'aime pour pouvoir... J'aime, c'est bon, c'est le nom d'un pote. Enfin, on s'en fout. Pour pouvoir... On vous demande d'atteindre les 200 likes sur la page Jadoul de l'émission que vous pouvez trouver sur Facebook. Facebook. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le live. Mais si. Non, ça n'a rien à voir du tout. Ah, le live, il est sur l'Ilar FM. Oui. Et pas sur ma page. Ah, t'as mis un autre truc en fait. Ah, ok, on doit aimer ta page. Mais j'ai dit l'émission, la page de l'émission, pas la page de la radio. Ah, oui, bon, d'accord. En fait, il va te comprendre la séquence en direct. Oui, mais ils doivent aimer le Jadoul. Encore quelque chose à comprendre, oui. Que la musique est en route. Oui, j'aime l'Afrique. Ah, ouais, génial. Vous êtes dans Jadoul, j'espère que ça se passe bien de votre côté, que votre samedi soir est doux et divertissant à notre écoute. Et si vous êtes dans la voiture, que vous nous écoutez, ben on vous embrasse et bon courage si vous êtes dans les bouchons. Et si vous êtes tranquillement dans votre salon en train de nous écouter, eh ben on vous souhaite tout le bonheur du monde. Je sais que t'allais la faire, Kylian. Eh ben même pas, je l'ai pensé mais j'allais pas le dire. Tu sais qu'au Japon, il y a une cérémonie mortuaire, donc un enterrement presque, hein, qui est organisé pour des chiens robots qui n'arrivent pas à réparer. Ah bon ? Ah oui, donc c'est-à-dire que ils ont mis sur le marché Sony, tu connais évidemment le grand groupe Sony qui faisait qui font quoi Sony, des télévisions, ouais, des amplis, on cite deux autres marques comme Sony, Pioneer, Philips. Philips et Yamaha et SLM. D'accord. Autrement dit, salam alaikum. Oui. Ou alaikum salam. Tu sais que si tu parles dans une langue étrangère, tu vas t'attirer les foudres de la mamie qui parle en arabe. Ah oui, c'est vrai. On avait dit en plus qu'on l'a laissé tranquille là. Oui, il faut pas l'embêter parce que elle nous a rappelé que. Oui, c'est à moi. C'est moi qui les ai plantés. Merci madame. J'adore. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Est-ce qu'on peut revenir à nos moutons ? Mais. Mais pourquoi tu nous fais le mouton ? Attends, vas-y, refais-le un coup. Mais. Bah voilà, bah bravo, t'as même pété la cloche, bah bravo. Mais. Je le refais plus, il reste plus rien de la cloche. Mais le pauvre mouton, il est plus rien, il continue, hein. Il comprend pas lui, hein. Bon, allez, on parlait donc du Japon avec cette cérémonie un petit peu marrante. C'est dans une atmosphère un petit peu mortuaire à l'honneur des chiens robots de Sony qu'il y a eu 140 chiens qui se sont retrouvés dans des cercueils et c'est un succès fou ces enterrements de robots depuis les années 90, années 90, donc c'est assez drôle. Est-ce que toi, si t'es un chien robot, tu le ferais enterrer? Je ne pense pas, moi. Non mais le chien robot bah, casserait niveau... parce que je le lancerais moi, enfin je sais pas, je trouve mais, ça même nul niveau, un chien robot, non même ni... ouais c'est pas top, ça sert à rien. Mais d'un point de vue écologique, c'est pas top. Bah non, ouais, c'est sûr, ça reste électronique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, madame? Est-ce que vous pensez que ces gens-là qui enterrent leurs chiens, c'est très écologique? De toute façon, ils souffriront si jamais. J'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. C'est vrai, madame? Et si jamais, c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais non! Mais en attendant, je ne veux pas de vous allez me boucher ça tout de suite. Merci, madame. J'adore. c'est les plus beaux sons qu'on a dans cette émission. Kylian, on va faire dans quelques instants la question de la semaine avec ce qui nous a travaillé dans notre petite tête jusqu'à aujourd'hui. La petite tête de Linotte. On va encore faire des petites anecdotes, mais maintenant, c'est pas du tout pour être un petit peu rabat-joie ou dire quelque chose qui va un peu vous casser si vous êtes fumeur, mais notre devoir, c'est aussi de vous informer des dangers du tabac, et on vous rappelle que il y a une vidéo qui vient de sortir sur Internet, elle est sortie le 3 mai, et c'est une infirmière qui diffuse des images choquantes et très écœurantes, donc âme sensible, s'abstenir, des poumons d'un fumeur décédé. Et je vous le dis, quand vous voyez le poumon, ça vous... Ah oui, j'ai vu. Ça vous donne franchement envie de ne plus fumer si vous êtes fumeur. Donc voilà, je montre la photo à Kylian, il est dans le studio avec moi. Et il confirme que le poumon ressemble à un barbecue une fois qu'on l'a éteint. Oui, c'est vraiment au charbon surtout. Oui, bah au charbon, enfin oui, le barbecue. Quoi. Oui, c'est sûr que le premier qui me dit qu'il a un barbecue électrique, oui, mais moi j'ai pas de charbon, je cuis tout à l'électricité. Oui, bah c'est bien, mais pas nous. Ah non, on peut pas faire l'objet du peuple étant donné qu'on n'a pas de standard téléphonique. Oui. C'est toujours cassé, c'est pas grave. On va réparer quand même ça pour la semaine prochaine parce que c'est embêtant. Ouais, un petit coup de pied dedans. Un petit coup de pied dedans. On va l'enterrer avec le chien et puis c'est bon. Mais non, mais t'es fou toi. Ah, c'est pas très écologique ça. Attention, la dame, elle l'a dit. Hein. Non, elle fait pas comme ça. Elle fait. Mais non, de Dieu. J'adore. Mais elle met son menton en avant pour le dire. Et je sais pas comment elle fait. Je pense que c'est. Je vais essayer de le refaire. Mais nom de Dieu! Non, je sais pas le faire. Je n'arrive pas à le faire. Allez, si vous, arrivez à le faire, en tout cas. Dites-le nous, envoyez-nous. Oui, dites-le nous. Dites-le nous, tout simplement. Ah, tu sais ce qu'on pourrait trouver pour la semaine prochaine? Étant donné que nous, on sait pas du tout faire. On sait pas du tout faire Laurent Ruquier, voici la voix de Laurent Ruquier. Les hommes aiment votre poitrine. Merci Laurent, t'étais pas obligé de nous le dire. On n'arrive pas à l'imiter. C'est une voix très compliquée. C'est une voix très rauque et qui bousille la gorge dès qu'on l'a fait. Donc on va rechercher, voir s'il n'y a pas des imitateurs de Laurent Ruquier pour la semaine prochaine. Note-le ça. On va essayer d'en contacter un pour l'avoir à l'antenne, qui nous fasse une imitation. Ça pourrait être très drôle, non? Ça peut être très drôle, oui. T'as cassé ton bic en direct. Oui, j'ai cassé mon bic. Par contre, je sais que... Pour vous dire qu'il ne note tellement jamais dans cette non, émission. Non, c'est parce que je le mange. Mais c'est un bic qu'il a refait, il mange même les bics de la radio, pour vous dire. Mais ils sont bons, j'aime bien. Ils sont bons, bah tant mieux, il y a tout le monde qui les touche dans les autres émissions, mais c'est toi qui vois. Ah. Et ben voilà, comme ça tu sais que... Alors ça veut dire qu'il y a eu du thon là-dessus. Il y a eu du thon. Ne reviens pas là-dessus. Bon, je pense que ça c'est fait. Les news de la semaine c'est fait. Bah tiens, on a bien. Et on a l'avance même. Bah ouais. Oh là là, et on n'a jamais eu ça. Eh bah tiens, on parlait donc de retrouver quelqu'un qui savait imiter Laurent Ruquier. Oui. Et je sais que dans la région, il y a quelqu'un qui s'est imité. Oui. Amitié. Toute notre amitié à monsieur. Non, Coluche. Ah bah oui, mais il est connu, lui. Il est Coluche. Mais il est connu. Oui. Et du coup, bah peut-être qu'avec un peu de chance, on va essayer de l'attirer vers. Bah avec un peu de chance, attends, je vais l'appeler en direct. Eh ben on va l'appeler en direct. Ah bah non. Je peux pas, étant donné que le standard téléphonique est encore cassé. Ça va être très long ce soir. Si on peut passer aucun coup de téléphone, ça va être très compliqué. Est-ce que tu peux me retrouver son nom sur le temps qu'on va s'écouter? Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Qu'est-ce qui était prévu? Claude François. Non, c'était Un été français d'Indochine. Ah bah oui. On va s'écouter. Donc moi j'adore, c'est un des titres que j'écoute beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il a fait une colo. Une colo qui Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, fait une colo. Le chanteur d'Indochine qui chantait Partenaire particulier. Tu peux même nous le chanter. Un été français. Tu peux nous le chanter, Partenaire particulier. Partenaire particulier, chef partenaire particulier. Bon Ok, merci Kylian. Non, voilà. Donc, vous venez d'apprendre en direct comment meubler 10 secondes quand. De bed. Non, c'est-à-dire que le titre n'est pas encore parti et là, on m'annonce qu'il faut encore meubler 30 secondes. Mais donc, c'est pas grave. Donc, je disais, il a fait une colo, Nicolas Sirkis, et il a les cheveux blonds. Oui. C'est vrai. Blond. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oh non. C'est vrai que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Merci, monsieur. Tu veux qu'on téléphone rapidement à Jean-Michel avant de lancer le titre d'Indochine? J'ai envie de savoir si lui, question cheveux, il s'y connaît. Mais il m'a envoyé un snap, hein. Je crois qu'il est pas là. Si, si, il est là. Allez, non, il est peut-être pas là. On va l'appeler en direct. Attends, j'envoie un message d'abord, voir s'il est là. Bah, parce qu'il m'a dit qu'il devait partir au Mozambique. Au Mozambique? Oui. Mais pourquoi il nous parle toutes les semaines de Mozambique, lui? Parce qu'il aime l'Afrique. Il aime l'Afrique. Oh non, encore un. Attends, il est copain avec Yannick Noah ou c'est possible. Ça se passe comment? C'est peut-être une partie de tennis ensemble. Ok, allez, dans quelques instants, vous allez avoir notre Jean-Michel qui va faire son apparition sur l'antenne, tel un aventurier, tel un James Bond. Voici le teaser. On a enregistré ces 3 petites secondes de Jean-Michel, rien que pour vous. Bonsoir. Bonjour, c'est Jean-Michel. Merci, voilà. Donc, il a pris un petit coup de pelle, Jean-Michel. Il a eu un petit problème de voix. On m'appelle Jean-Mémé 00. Merci, 00, voilà. En tout cas, c'est pas équivalent à votre taux d'alcool, Jean-Michel. Ah, ben si, justement, c'était... Au moins, c'est le 0,400 grammes. C'est abominable. Allez, on vous reprendra à l'antenne dans quelques instants. Merci. Vous pouvez partir, Jean-Michel. On vous reprendra après. On en était, oui, Indochine, un été français. Ça y est, on peut le lancer. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Jean-Michel. On peut y aller. Non, il n'y a plus que du pollen, là. Il y a du pollen maintenant. J'ai le nez qui me plaît. Ah, mais ça, c'est le ton, ça. C'est le ton. Allez, c'est parti. Un été français. Vous êtes sur Ilar FM. J'espère que la soirée se passe bien. Jadoul, jusqu'à 22h, est là. Et on fait un petit coucou à Germain qui nous a rejoint dans le live Facebook. Coucou Germain. J'arrive même pas à dire coucou. Coucou. On n'y arrive plus. Indochine, un été français, c'est sur Ilar FM. Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Okay, Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à avoir rentabilisé la machine à café du studio. Mais c'est aussi le numéro 1 du samedi soir. Et ça, c'est vraiment pas mal, non? Jadoul, 20h-22h, sur Ilar FM. À 21h13, on reprend le flambeau avec Kylian qui va maintenant faire ses petites news de la semaine de son côté car il nous a dégoté une petite info aux petits oignons, comme dirait Cyril Lignac. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Alors je préviens, je ne la connais pas du tout. Donc si c'est un naufrage, ne m'en tenez pas responsable. Eh ben ça tombe bien Thomas, parce que je vais tout bouleverser. Hein ? Il s'agit pas d'une info, mais d'une longue blague. Enfin, d'une blague. Alors ? Attends, bah attends, je coupe ça. Non, mais ça peut être bien là-dessus. Ouais, non. Voilà. Alors, tu mets pas le tapis d'une bonne séquence sur une blague qui va être foireuse. Peut-être, mais bon. Allez, jingle blague pour Kylian Welfring en direct. Retenez bien son nom. On t'écoute. Alors qu'il mange tranquillement à la cantine, un professeur d'université voit un élève s'installer devant lui. Je peux juste faire une parenthèse. On dirait la voix qu'il nous a faite, c'est la voix qu'on a dans les grandes surfaces au moment où il y a un petit écran avec une petite démonstration avec le nouveau Karcher, nouveau proposant. C'est vraiment cette voix-là. Justement, ça donne bien. Je recommence. Oui, bah. On reprend depuis le débat. Oh non. Depuis le débat. Attends, c'est quoi le thème? Juste le thème. Non, c'est pas sur le pépette. C'est quoi le thème? C'est sur l'école. Tu vas voir. Ok, c'est parti. Alors qu'il mange tranquillement à la cantine, un professeur d'université voit un élève s'installer devant lui. Il lui dit alors, en ricanant, « Les oiseaux et les cochons ne mangent pas ensemble. » L'élève répond avant de s'en aller. Oh, excusez-moi, je prends donc mon envol. C'est marrant, ils ont la même voix, tiens, c'est assez drôle. Donc c'est marrant. Non, ça c'est ce que je viens de dire. Oh là là, je m'embrouille dans ma blague. Bon, il dit, oh, excusez-moi, je prends donc mon envol. Et c'est donc le premier naufrage en direct de Kylian Welfring. Et continue. Oui, mais en même temps, tu mets des trucs qui changent ma voix. Non, j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc il dit, oh excusez-moi, je prends mon envol. Honteux de s'être fait avoir, il décide de lui donner un contrôle avec des questions très difficiles, mais l'élève réussit. Il lui pose alors une question. Vous avez deux sacs, un rempli d'argent et l'autre d'intelligence, que choisissez-vous? Alors l'élève répond, l'argent. Le prof dit, moi j'aurais plutôt choisi l'intelligence. Ça devient long. Hein. L'élève répond, bah tu m'as demandé une info. Voilà, c'est pas une info, mais ça doit avoir la même. Oui, donc encore une fois, t'es à côté de la plaque de ce qu'on te demande. L'élève répond, normal, on choisit toujours ce qui nous manque. Le prof prend alors la copie, écrit gros que. Hein, et lui rend. 2 minutes plus tard, l'élève revient. Hep monsieur, vous avez signé, mais vous n'avez pas mis Hep, de notes. Voilà, donc il n'a rien compris parce que tous les 30 secondes il m'a coupé. Mais personne n'a compris quelque mais chose. Mais si. Attends, le seul son qui pouvait partir de cohérent après cette anecdote, tu veux l'écouter? Ouais. Le seul son qui pouvait partir après cette anecdote, c'était ça. Suite à un incident technique. C'est le seul truc qu'on pouvait lancer. Mais en gros, le professeur lui dit, Donc vous avez deux sacs, un rempli d'argent et l'autre d'intelligence. Que choisissez-vous ? Alors l'élève dit l'argent, puis le prof dit moi j'aurais choisi l'intelligence. Et l'élève répond, normal, on choisit toujours ce qui nous manque. C'est oui, bah t'aurais pu la faire en beaucoup plus court. T'aurais juste dit les deux dernières phrases et c'était bon. Ouais. Voilà. Oui, mais j'ai mis blagues les plus drôles sur internet. On m'a envoyé ça. Non, non, moi ce que je t'ai demandé, bon, dans la coupure, j'ai dit trouve-moi une info pour juste après la musique, il tape sur Google blague drôle. Mais... Bon, ok, alors. Non, mais non, c'est bon, tu vas la faire bon, dans la pub ton truc, parce que si c'est pour ne pas préparer correctement les séquences, Kylian, ça devient compliqué. Mais ça devait être une blague. Mais la blague n'était pas drôle. Enfin, si, elle était drôle, mais pour ceux qui comprennent. Voilà. Ah. On va laisser ça très loin dans les souvenirs de souvenirs d'Hilar FM. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait retrouver tout doucement notre Jean-Michel qui est apparemment donc au Mozambique. Au Mozambique, oui, exactement. Je sais pas le dire. Il y a des vaches, des pies, des. Est-ce que je attends, j'entends de la méchanceté ? Oui, oui. C'est le. Hein ? C'est gentil. Ah. Je lui ai dit c'est parti. Je dis, ah bon, ok. Non, non, c'est gentil. Et donc il est au Mozambique. Et qu'est-ce qu'il fait au Mozambique ? Est-ce qu'on pourrait le retrouver, Kylian ? Tu peux me le composer au standard ? Oui, mais j'espère qu'il n'est pas sur une piste. Une piste ? Bah oui, vu que c'est Jean-Michel 00. Ah oui. Jean-Michel ? Allô, Jean-Michel ? Chut. Hey. Je suis caché. On l'aurait faux pub. Je vais changer de pièce parce qu'ici, il y a un peu un gros écho. Hein. Voilà, je vois que c'est mieux ici. Voilà. Alors, je disais, il ne faut pas parler trop fort hein, parce que je suis caché. De l'autre côté de la pièce, il y a un verre de pastis. Je vais tenter d'aller le chercher. Mais ça ne va pas être facile. Hein. Alors, premier conseil, ne pas parler trop fort. C'est déjà fait. Deuxième conseil. Pensez sous la table. Troisième conseil, prendre la boisson et courir. Merci. Je suis vraiment fou, hein, moi. Voilà. Ok, merci, monsieur. Voilà, donc Jean-Michel a terminé. Alors, il a terminé à l'hospice. Voilà, il vient de terminer sa saison, je pense, même carrément. Mais t'as vu tout ce qu'il fait juste pour un verre de pastis, quoi. Bah oui, il est en mission secrète. Jean-Michel, vous pouvez pas vous faire. Enfin, vous faire tout simplement un petit verre chez vous tranquillement ? Mais nous, ouais, parce que je suis parti au Mozambique, mais il n'y a pas grand chose à boire. Il y a quoi au Mozambique ? C'est l'hymen. Voilà, c'est l'hymen. Bon, ben, il y a pas grand chose, hein. Bah, il y a des danseuses, moi. Moi, je nage en pleine faute. Oui, mais elles sont pas terribles, hein. Ou alors, je suis tombé dans le mauvais bar. Hein. Ou alors, vous attirez que ce que vous méritez. Bon, allez, on va le sortir de l'antenne, là. C'est l'hymen. Voilà. Merci Jean-Michel. Pourquoi il dit c'est l'hymen ? C'est l'hymen ? Oui. Mais parce que c'est la chanson. Qu'est-ce que c'est un hymen ? Mais non ! En un seul mot, c'est l'hymen ! Ah, c'est l'hymen ! C'est le prénom d'une femme. Autrement dit, c'est l'hymen ! Mais non, parce que c'est l'hymen. Paname, paname, on arrive. C'est l'hymen. Qu'est-ce que tu nous as sorti ? Bah, c'est pas moi. Hein. Attends, c'est l'hymen, c'est l'hymen. Attends, il confond. C'est l'hymen. Avec. Paname, paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Et ça fait 5 euros pour Stromae. Pour Slimane. Oh là là, mon Dieu, on n'y arrivera jamais avec les noms, les prénoms, les sons, et c'est une catastrophe. N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles, c'est vraiment ça, c'est presque Nagui ici. Enfin, ouais, non, sauf que c'est bien fait ici. Non, je plaisante. C'est gentil pour lui. Oui, bah, je suis toujours quelqu'un de gentil. On en était où ? La question de la semaine. Ah, c'est ça ? Bah oui, c'est ça qu'on n'a pas encore fait, tiens, la question de la semaine. Est-ce qu'on l'a fait ? Maintenant ? Oui. Maintenant ? Oui, on peut. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je sais que tu vas me râler dessus si je le dis. Ah bah alors on va passer à la question de la semaine, c'est parti. La question de la semaine. Et oui, vous pouvez réagir maintenant en direct avec nous pour répondre à cette question de la semaine au plus 32 49 9 15 60 75. Et 15. Ah oui, c'est vrai. C'est pas 75 pour les Belges, c'est 60 espace. Enfin, vous mettez pas d'espace. Non, pour les Français, justement. Hein? C'est pas justement 75 pour. Ah oui, pour les Belges 75, mais les Français ne mettaient pas 75. Autrement dit 75, qui veut dire 75. Oh là là, vous êtes. On comprend rien! Bon, bref, appelez, vous verrez bien si c'est nous, c'est nous, si c'est pas nous, bah c'est pas nous. Ou alors on achète en France le numéro avec, qui termine par 75, voilà. 75 en gros pour les Français, et comme ça quand ils confondront ça les redirigera ici. Enfin ouais, ça paraît peut-être un peu compliqué. Ou alors on change de numéro, hein. Ça se trouve c'est une vieille dame qui a rien demandé à personne. Tiens, on pourrait l'appeler en direct ce numéro là pour savoir ce qu'il. Ah ben non, on n'a pas de standard téléphonique, il est cassé. C'est le fil rouge de cette émission, ce standard. On n'y arrivera jamais. Donc je disais, si vous voulez répondre à la question de la semaine, c'est bien simple, vous nous contactez sur les réseaux sociaux également, ça marche aussi sur la page Facebook de l'émission et sur l'Instagram, le Twitter, on est partout, vous savez. Donc vous nous répondez à la question suivante: que faites-vous pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Tu connais? Pas du tout. Non. Non, bah peut-être avec le son. Il connaît pas. Attends, il y a Jadoul qui me chante une musique et me demande si je la reconnais. Bah oui. Attends, je vais te la faire écouter. Attends, si je te chante Paname, Paname, on arrive, tu reconnais? Bah oui. C'est Célimène. C'est Célimène. Non, c'est ça. Ah non, non, non. De vacances. Merci papa. Merci papa. Je me suis trompé, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est ce que Thomas écoute en allant travailler. Ah, si tu veux. Oui, pourquoi pas. Merci. Ça ne se reproduira plus jamais sur cette antenne. On l'espère. On l'espère, mais ça, vous savez, on est à l'abri de rien. Kylian, on a combien dans la cagnotte Ilar FM? On a exactement 100. Parce qu'il a fait le total. Non. Bah, si. Oui, j'ai commencé. Mais il y a tellement de trucs. Ah, je m'en moque. Tu dois le terminer. Je me suis dit, dans la semaine, je vais faire ça. Et pour la prochaine émission, on aura le total complet avec un bon générique, un bon peu importe, un bed. On va mettre les moyens et on va balancer le chiffre à l'antenne. Ah, autrement dit, la déception à l'antenne. Non, et oh, la somme est élevée. Bah justement, la déception, parce que pour notre portefeuille. Oui, bah ça c'est notre déception à nous, ça. Parce que c'est toujours beau, hein. On vous dit oui, les amis, on va vous offrir une cagnotte, la cagnotte Ilar FM. Dès que quelqu'un dit un mot vulgaire sur l'antenne, il donne 5 €. Ce que l'on fait maintenant depuis 5 émissions. Et au final, nous, on se fait pigeonner. Merci pour le pigeon qui vient. Et ça, c'est catastrophique. On doit plus de 400 €. Non, je rigole. Non, c'est pas du tout. On va voir combien est-ce qu'on doit encore mettre dans la bobette à insulte d'Ilar FM. Mais cela dit, quand tu remarques, l'émission, elle s'est améliorée. Elle est moins. C'est vrai. Elle est moins vulgaire. On n'ose même plus parler maintenant. On ose même. Ouais, c'est fini, voilà. On coupe les micros. Donc, on en était. Je suis complètement perdu dans l'émission. J'ai jamais autant perdu. Oh, je vous explique. Je moi non plus, endormi. J'ai jamais autant perdu. Je me suis endormi dans le train en arrivant. Je suis arrivé, allez, on va dire 30 minutes avant l'émission. Et je me suis endormi. Allez, 20 minutes dans le train sur les 6 heures de train. Et je dois dire que ça m'a complètement tué. Et donc là, je suis un petit peu de tension. Je vous le cache pas, comme ça c'est dit. Et Kylian, il va essayer de me faire un coup de défibrillateur pour essayer de me réveiller hors antenne. Il fout un coup de chaise dans le visage. Ça va encore être pire. Oui, j'ai des visages. J'aime bien. Oui, j'ai pas osé dire. Bravo, amélioration. Par contre, si je parle d'un chien, je peux dire gueule, parce qu'un chien a une gueule. Oui, bah oui, bien sûr. C'est de la langue française. De toute façon, toi, peu importe ce qu'on te dit, t'es toujours. Carrément méchant, jamais content. Pas vrai? Non. Vous êtes dans Jadoul, j'espère que ça se passe bien de votre côté. 21h26, on a encore beaucoup de choses à voir. On va s'écouter un titre que vous nous avez réclamé, c'est Keep Us Apart. Mais moi, je dois vous dire, j'ai envie de m'écouter Papercut de Mazambo. Et première fois de cette émission que j'arrive à le dire du premier coup. Et ça, franchement, c'est la bataille qui en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Allez, on va se l'écouter tout de suite. Paper cut, qui veut dire évidemment coupure à papier si vous êtes un petit peu bilingue comme moi dans le milieu. Oui. On reste dans le thème entre Mazambo et Mozambique. On s'est pas foulé. Hein. On s'est pas foulé. À mon avis, ils écoutent Killer FM aussi. C'est ça, c'est vraiment ça. Allez, paper cut, c'est de Mazambo qu'on s'écoute tout de suite. Dans Jadoul, c'est de 20h à 22h. Allez, on est sur l'autoroute. 30 minutes qui nous restent ensemble. Ah, j'avais pas activé mon micro, c'est pas grave. Messieurs, dames, vous êtes dans Jadoul. J'espère que ça se passe bien de votre côté. On a encore énormément de choses à voir. Et là, c'est parti, on démarre. Et qu'est-ce qu'on démarre? C'est les dernières minutes de l'émission, les 30 dernières minutes. Et on fait un petit coucou à Romain qui nous a rejoint dans le live Facebook avec une question. Comment ça va? Alors Kylian, peux-tu y répondre? Ça va très bien, je suis avec Jadoul pour l'émission du 20h, 22h, comme chaque samedi. Alors est-ce que toi tu vas bien? C'est la question qu'on se pose. Tiens. Oui, dis-nous aussi comment tu vas. Et voilà, c'est l'interaction avec les auditeurs, c'est ce qu'on aime. Alors maintenant, j'ai une grande question pour toi Kylian. Oui. Il faut que tu joues avec moi sur ce truc. Tu as 30 secondes. Ouais. Tu as 30 secondes pour deviner. Ouais. La chose que je vais tenter de te faire découvrir. Alors, c'est 17,8 kg. 17,8 kg. Une tumeur. D'un bonbon qui s'appelle la fraise Tagada. Un sachet. Un paquet. Et c'est quelqu'un de très connu en France. Gad Elmaleh. Qui en a acheté 17,8 kg. Durant. La gaffe, Vincent Lagaffe. Non. Durant durant une période. Un français où... Ah oui, c'est un français, oui, très clairement. Jean Desjardins. Allez, c'est un acteur. Ah mince. Bah attends, refais, ne me dis pas, oui, mais donne plus d'infos, je sais pas si c'est un acteur. Bah alors, repart pour 10 secondes. Et dis-moi, ouais, chanteur, acteur. Non. C'est un grand monsieur. Ah ok, Macron, bien sûr. Et c'est une bonne réponse Kylian. Hey. C'est effectivement Emmanuel Macron qui a dépensé plus de je ne sais combien d'euros dans des fraises Tagada. Et il a inclus ça dans les comptes de la campagne qu'il a menée. Donc en gros, dans le budget, il y avait un budget fraises Tagada. D'accord. C'est complètement fou. Mais comment est-ce que... Donc ça représente en fait 102,80 €. Donc 102,80 € de fraises Tagada. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir nous l'amener, Macron. Voilà, Macron. Écoute, mon petit Manu. Il serait peut-être temps de nous le ramener. Hein, tous ces petits bonbons. Tous ces petits bonbons. Ça fait depuis tout à l'heure que je cherche dans le cartoucheur la chanson Les sucettes à l'Annie. Et je n'ai pas trouvé l'Annie. Ça me rappelle un karaoké que ma mère a fait. Enfin, peu importe, Raconte-nous. Alors, introduction. D'abord. On lit le message qui vient de nous parler. Effectivement, on le lit. C'est quoi? C'est Jeanne Masson qui nous dit... Bon, si tu veux. C'est Romain qui nous dit « Oui, moi, ça va toujours bien. » Ah ben voilà, donc il nous a répondu à la question d'il y a 5 minutes. Voilà, ok. Donc il n'y a pas de souci, et on t'embrasse Romain, merci d'être à notre écoute. Et donc si vous voulez remporter un autocollant de l'émission, on vous l'envoie gratuitement chez vous. Vous envoyez juste un petit SMS, c'est Jadoul au plus 32 49 95 75. Je le répète parce que j'ai bafouillé, ou Kylian va plutôt le répéter. Plus 32 49 9 15 75. Bonne réponse. Deuxième réponse, attention, oui. Oh, génial, attends, bon, c'est limite question pour un champion ici en fait. Oui. Tu sais imiter, mais correctement, généralement, il faut que j'aie un petit son de sa voix, tu vois, parce que. C'est la mer noire. Oui. C'est la mer noire. C'est la main noire? Non. Non, c'est pas ça. C'est la main noire? Non, c'est pas ça. C'est la main rouge? Non plus. C'est la main noire. Bonne réponse. Merci, mon voix. Bravo. C'est pas possible. On est tombé complètement. T'aurais dû dire « Eh oui. » Oui, en mode de Julien Lepers, là. « Eh oui. » Technoparade. C'est vraiment le SNCB. Le Julien Lepers sous effet de la drogue. D'ailleurs, on rappelle que fumer de la drogue, c'est très mal, c'est puni par la loi et c'est mauvais pour votre santé. Effectivement. Dans quelques instants, une dernière actualité complètement folle, telle celle qu'on a entendue de moi. De truc. Mais juste avant, tu savais que les célèbres boulettes de viande d'IKEA, on les cite hein, gratuitement, c'est cadeau, c'est pour nous, voilà. Donc j'ai faim, tu me parles de boulettes de viande. Oui, bah t'aimes bien les boulettes. Alors, il y a à la base un petit drapeau suédois qui est planté dedans. Dans la boulette? Oui. Bah pourquoi ils ont fait ça? Bah parce que c'est... Quelles sont les couleurs de IKEA? Je répète, quand on m'a dit qu'il en aime bien les boulettes, c'est à manger. Hein. Oui, bah, bien sûr. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Avec tes sous-entendus. J'ai jamais fait de sous-entendus. Oh. Alors, quelles sont les couleurs d'IKEA? Bah, bleu et jaune. Voilà, c'est les couleurs d'un pays qui s'appelle la Suède. La Suède. Et donc, la Suède, ils disaient que leur viande était suédoise. Mais en fait, non, elle est turque. Comme ça, vous le savez. D'ailleurs, tu sais pourquoi on les appelle. Enfin, tu sais pourquoi on a appelé le pays comme ça? Suédois? Ouais, ouais. Alors, non. Si c'est en rapport avec la transpiration et des doigts. Je pense que tu peux t'arrêter là. Vas-y, fais ta vanne. Mais c'était ça. Oh non ! Vous voyez, ça c'est le problème que je le connais depuis des années maintenant. C'est que je sais, je le vois arriver avec son élan et son truc. D'ailleurs, en parlant d'élan, la dernière statue de Trump complètement nue a été adjugée à 24 000 dollars. Est-ce que toi, tu serais capable d'acheter une statue comme ça ? Bah disons pas de Trump nu, ni d'un mâle. Oh là, ni d'un mâle nu. Non, c'est ton casque, j'ai mon casque qui passe d'une oreille à l'autre. Donc, ni de Trump nu, ni d'un autre homme oui, nu. Ben, mais déjà que c'est un homme qui est pas très. Maintenant. Pas très. Comment ? Respectable de par ses positions politiques. Mais bon, ça, c'est la politique, on rentre pas là-dedans. Voilà. Il est fou quand même. Il s'appelle Zach Bangs et il a dépensé quand même 28 000 euros pour s'acheter cette statue qui est un petit peu quand même ratée. Faut pas se le cacher, elle est pas super belle. Donc voilà. Mais là, je veux bien acheter les statues de Selena Gomez ou des trucs comme ça. Hein, mais là, il y a pas de souci. Alors là. Voilà. Dit-il. Bon, je vous propose que l'on fasse donc l'actualité que je voulais absolument vous faire dans cette émission dans quelques instants, mais là on va faire un petit point avec Kylian, oui, ou même un petit poids, ça dépend de votre faim. Tant que c'est pas la fin de l'émission, de quoi? Bah, même une petite fin, oui, tant que c'est pas la fin, mais de l'émission. Ah oui, non, on est loin d'être dans la fin de l'émission là. Oui, oui, oui. C'est... Mais qu'est-ce que tu dis? Il est encore bloqué en mode Julien Lepers, lui, on ne comprend pas, mais je ne lâche pas, je le perce. Là, c'était trop. Pourquoi tu nous as fait cette blague? Parce qu'on parlait de Julien Lepers. Mais oui, mais on n'en peut plus, on n'en peut plus. Je suis désolé. À un moment, faut dire les choses, on n'en peut plus. Tiens, d'ailleurs, on a des nouveaux sièges ici à Hilar FM. On nous a remplacé tous les sièges. Enfin, il y en a déjà un pour moi. Oui, c'est vrai, ça. J'aime bien cela. Mais il y en a un deuxième dans le couloir, tu sais. Ce sera pour la fois prochaine. Mais voilà, comme ça, vous savez un petit peu même la vie de notre studio. Est-ce que Jésus t'aime bien? C'est ma question. Est-ce que Jésus m'aime bien, oui, ou est-ce que moi j'aime bien Jésus? Non, est-ce que Jésus t'aime bien? Ah, j'en sais rien. Parce que selon Saint Lavin, eh ben, si Jésus l'aime bien, il vous chante ça. Ah, on m'a dit quand le monsieur crie, c'est à moi. En fait, c'est à moi. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus. Parce que Jésus crie. Ah ouais, quand même. Oh là là. Il y a même eu la basse à l'arrière, c'est en mode génial. C'est quoi ça? Ah, nouveauté, la FM. Tu savais pas, c'est... Non, ça s'appelle Un Nouveau Monde de Octave Noir. Oh là là. Alors, cette chanson, vous savez où elle a été enregistrée? Au studio Hilar FM, voilà, c'est... Non. Cette chanson... Pour faire... Elle a été été enregistré entre un magasin de cordes et un magasin de tabourets bancal. Donc, ce qui vous explique le contexte de cette chanson que Kylian est fan. Oui, je suis fan. D'ailleurs, j'allais dans le magasin au moment où j'ai vu, il était en train de chanter, voilà, d'ailleurs il était déjà sur le tabouret. D'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait sur un tabouret debout, mais... il est en train d'enregistrer le final de cette musique. Voilà. Bon, ah. La fin on l'a pas passé, mais on entend. Oh, d'ailleurs, on parlait du président. Je dois vous avouer quelque chose. Kylian va se présenter aux élections présidentielles de 2024. Ouais. Non, je rigole, mais ce serait quoi ton programme en tant que président ? Mesdames, messieurs. Ah mince, bah, attention. Allocution de monsieur le président. Welfring. Pardon, je recommence. De monsieur le président Welfring. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour cette année 2018-2019, j'ai l'intention de prendre toutes les ordures ménagères et les poser devant le studio Hilar FM. Ce que je suis en train de raconter n'a aucun sens. Mais monsieur, ça a déjà été pris, les ordures ménagères? C'est possible, c'est possible. Je n'étais pas mis au courant de cette information avant votre intervention. Oui, ouais. Effectivement. Oui, mais c'est une dame qui l'a déjà fait. Écoutez, elle l'a dit l'autre jour. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Bah voilà. Alors, j'aime autant vous dire que la dame qui parle, c'est mon arrière-grand-mère. Donc, je garde éventuellement ses idées d'ordures ménagères. Voilà. Donc, on va tout aller mettre devant le studio Hilar FM. Et vous retrouverez cette photo sur Instagram. Voilà. Je pèse mes mots. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? C'est un fait, c'est un fait. Le Premier ministre contre des tas de personnes. Mais Emmanuel Macron s'est permis de dire sur cette séquence actuellement que... Et on me dit que c'est trop long. Donc il faudrait peut-être se calmer. On va... Non mais je pèse mes mots quand je parle des poubelles. J'enverrai bien une photo sur la page Instagram Hilar FM. Mais j'en peux plus. Je pèse mes mots. Mais pèse, je sais pas ce que tu veux. C'est monsieur Welfring ici, oui, qui vous bah parle. Faites ce que vous voulez, c'est pareil. Ceci n'est point une plaisanterie, mon cher monsieur Jadoul. Ah ben, la politesse, c'était demander, vous avez le temps ou vous êtes pressé? Dis mon arrière-grand-mère avant. Non mais j'ai dit je le ferai. Hein. De quoi? Bah mettre les poubelles devant chez toi. Ah bah enfin, oui, t'as raison, sur devant chez toi, l'émission Jadoul. Ah, oui. Et vu que c'est ton émission, c'est chez toi. Ok, d'accord. Donc en fait, on est ici chez nous. On est ici chez nous. Ah bah c'est chouette ça. Donc, et les auditeurs sont chez eux. Non, ils sont ici chez eux aussi. Bah c'est chez eux, hein. Ah oui, bah oui, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Vous et êtes bah ici voilà. Chez vous. Si vous avez envie de nous parler de vos problèmes, si vous avez envie de nous parler de quelque chose. On a déjà trouvé la musique. Appelez-nous. Entre les cordes et les. Je sais pas si vous vous rappelez. Notre on fait la jonction. Notre magnifique morceau déprimant de Octave Noir. Voilà. Salut. Bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah rien. J'écoutais. J'étais tout oui face à la musique. J'écoute Jadoul le soir jusqu'à ce qu'il fasse tout noir. Mais j'ai pas peur le soir. J'avoue, je chante mal. Ok. J'adore. Mais je reste dans les annales. Oh, pardon, pardon. Oh non. Hop, non, hop, je fais une croix. Oh non, non. Oh non. Oh là là. Mais ça, c'est la radio. Elle ouais, reste... ouais, mais ça fout une alerte, je suis désolé. Voilà, ça fait combien de. Ça fait 5 euros que tu rajoutes. Bon, voilà. Ouais. Bah ouais, ouais, hein. Ouais, ouais. Tu t'es cru où, toi? Ah non, il reste déjà 12 minutes d'émission. Whoopinaise. C'était quoi, c'est Homer Simpson? Bah voilà, tu viens de le dire. C'était quoi ce Homer Simpson? Non, attends, non, mais la semaine passée, quand j'ai réécouté l'émission, on a dit quand même une phrase magique. Je vais juste vous raconter ça. Ça s'était passé la semaine passée. Ça s'est passé dans le 20h-22h. Et en fait, on était en train d'avoir notre auditeur qui se faisait passer pour un sushi au téléphone. Et alors, Terence et moi, on pose la même question complètement stupide qui disait... monsieur, vous êtes une dame ou un homme? Rien à voir. Oui, c'est ça, quoi. Le truc. Monsieur, vous êtes une dame ou un homme? Monsieur. Monsieur. Non, mais il le fait bien, en plus, il le fait bien. T'sais, on dirait vraiment que le mec, il connaissait cette personne. Bon, bah. Ouais, c'est pas ça, mais c'est que. C'est comme si je viens de voir. Kylen, tu t'appelles comment? C'est vraiment ça, c'est limite marqué sur le front. C'est marqué sur le front. Ah bah oui, effectivement. Sauf si on me l'a effacé. Voilà, mais comme t'as transpiré un petit peu, ça... Voilà, ça croutonne, mon Dieu. Bah d'ailleurs, Croutonne a découvert la pesanteur. Ah. Isaac. Ah ouais. Isaac Croutonne. Isaac, oui. Neil Armstrong. Non, c'était Neil Armstrong. Lane. Neil Armstrong. Ce soir, dans l'émission Lane, découvrez en actualité Jadoul. Attends. Chucky Girl. Ah non, c'est pas celui-là. Oh merde, c'est lequel? Chucky Girl. Arrête, il y a un bon accent anglais. Hein. Ouais, non, mais attends. C'est qui Chucky Girl? Premier. Bah oui. Mais c'est celui qui... Oui, mais Chucky Girl, connaît même pas, tu sais. Mais si, il l'a dit deux fois dans le générique, oui, on a passé deux fois aujourd'hui. Mais je ne le connaissais pas, Chucky Girl. Ah bah Girl. Voilà, justement. On t'a... J'ai jamais entendu Chucky Girl. J'ai déjà entendu Shakira, mais pas Chucky Girl. c'est très long, hein, quand même, c'est très long. Oui, enfin... Ah, d'ailleurs, petit point technique pour ceux qui sont passionnés de radio. La semaine prochaine, en fait, on change tout notre système de son, de diffusion, de rotation. En fait, on change tous les logiciels qui sont en arrière-plan de la radio que vous ne voyez pas fatalement, mais que nous, on utilise. Donc, tout va changer. Et à mon avis, on devra encore s'adapter durant un bon bout de temps. Mais ça devrait aller. De toute façon, ici, on est... Et on me dit que c'est très long. Ça aussi, on est super au point niveau technologie et niveau déprime également. Comme ça, c'est dit, mais... Ah ouais, je galère. Il y a que ce joli, elle est vraiment oh non, pays. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Oh non, Enrico Macias. C'était quoi déjà ce qu'il chantait Je viens de le chanter. Mais oui, mais c'est quoi le titre? Bah, les filles de mon pays, non. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Oh, laï, laï, laï, laï. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Il essaie de... Essaye de se rattraper en chantant juste oui. Par la suite. En fait, je savais pas quand elle m'entend aussi fort, tu vois. Du coup, quand j'ai parlé, ça a fait un comme gros écho, mais fort. Comme il crie, ça a fait « Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. » Il a pris un coup dans le Allez, visage. Tu as une deuxième chance, retente le coup. Okay. C'est parti. Allez, avec l'accent. « Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. » Hey! J'adore! Mon Dieu, à l'ancienne, on est dans un cirque ici, ça n'a aucun rapport. Non, je peux pas voir tous les sons non plus. Mais Enrico Macias, il avait décrit d'ailleurs ce que tout le monde a ressenti à cause de cette chaleur. Tu nous confirmes, Enrico? J'ai perdu 25 kilos. Oui, madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit... Ils sont pas là, ces cons-là, aujourd'hui. Il y a moyen de s'amuser des heures avec ça. Attends, on pourra le refaire dans un instant, c'est exceptionnel. On pourrait un jour faire un canular comme ça, ce serait pas bête. On pourrait. Ce serait pas bête. Avec toutes des phrases reprises ici dans l'émission. Ouais, dans les musiques. Ah, ou dans les musiques. Tu sais, tu reprends n'importe quelle musique et tu recolles quelque chose derrière. Par exemple, là ça fonctionne super bien avec Enrico Macias. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux parce qu'il te laisse l'occasion de le faire. Il est ouvert, oui. Tiens, dans le live Facebook, on nous dit Romain, moi je veux une tasse. Mais on n'a pas de tasse. On sait pas t'appeler. Et... Alors, ça sert à rien de riposter. Non, restez avec nous. Mais tu veux une tasse? Bah, très bien. Tu peux aller au magasin le plus proche de chez toi. À mon avis, je pense qu'il parlait d'une tasse de l'émission. C'est possible. Mais on n'en a pas. On n'en a pas encore fait. On a fait des autocollants. On va faire bientôt des vêtements. Il n'y a que les tests de la prod. Voilà. Oui, mais ça, c'est dans la prod. Donc, enfin, quoi que. Oui, non, c'est tous les gens qui ont rapport de près ou de loin à la production qui en reçoivent un mug. Voilà. Un petit mug. Moi, j'ai reçu le mien dans l'œil. Bon, j'ai l'œil gonflé, mais. Ah là là. Enrico, t'en penses quoi? J'ai perdu 25 kilos. Oui, madame. Et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit. Et on me dit que c'est trop long. Ok. Allez, on va s'enchaîner. Vous êtes dans Jadoul et on est là pour les 5 dernières minutes de l'émission. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on s'écoute un dernier titre. On va faire la fête, ça va être party. Tu vois qui c'est? Ça va être party. J'étais dans le train et le train passait par Charleroi. Alors je peux te dire que les Carolos ont un accent, mais qui était encore très très loin de toutes les imitations qu'on a pu faire dans cette émission. J'ai quelqu'un qui me fait... Tiens, t'es musicien, fieux. Pourquoi? Ah, parce que t'as une espèce d'appareil dans tes vagues, dans tes bagages. Ah, mais comment ça? Bah, le grand truc, là, c'est quoi? Bah, c'est un pied de caméra, on part en reportage. Ah, d'accord. Tu fais pas de musique? Moi, je reviens d'un festival. Et, en parlant de festival, il y avait le... Et alors, il termine par... Parce que je me suis drogué, ça se voit peut-être encore maintenant. Oui, monsieur. Alors, j'avais dit de pas dire ça à l'antenne, merci. Si Thomas, tu m'as cramé. Ah oui, pardon. Je voulais pas révéler tes secrets de ce que tu... Parce que c'est vrai que j'ai l'accent un peu Carlo, mais... Carolo. Non, Carlo. Carlo, parce que... Parce qu'on m'appelle Carlo El Tetano. El Tetanos, surtout. El Tetanos. C'est quoi? C'est moi, quand je fais mon piano. Ah, ça c'est la déprime quand même, c'est la déprime. C'est pas, c'est la suite de la musique. Mais c'est une émission déprime ce soir ou quoi? Attends. Waiter, send this to the table. Mon dieu. Oh, l'émission Jadoul est bientôt finie. Non. Mais si, je te le dis. Non. Mais si. Mais tais-toi. Allez, on va s'écouter tout de suite Offenbach avec Party. C'est un titre qui cartonne en ce moment et on a la chance de l'avoir maintenant sur LRFM. Il est 21h56 en direct. Ah oui, c'est à nous. Il vient de lire, d'ailleurs, t'as entendu, il a dit parler. Voilà. Ça a fait vraiment ça. Parler de tout. Merci. En parlant de parler, j'ai un truc à dire. Oui. Alors, il m'a dit le début, j'ai dit non, toi tu vas nous le raconter à l'antenne parce que je sens que ça va être très drôle. Est-ce que je peux juste lancer un jingle de l'émission juste avant? Oui, fais-toi plaisir. C'est parti, vous êtes dans Jadoul, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Il est 21h58, peut-être qu'on va rendre à l'heure aujourd'hui, ce sera une première en tout cas dans l'histoire de cette radio. Jadoul, 20h-22h sur ILRFM. Explique-nous ce qui s'est passé. Alors, mais ça date quand même un petit peu. Enfin, c'était l'année passée, je crois exactement. Donc, j'étais chez ma sœur. Oui, j'ai une sœur, oui. Et donc, tu as une sœur? J'ai une sœur. Merci. Voilà. Elle est prise, Thomas. Ah, ok. Dommage. Et donc, je jouais à ce temps-là. Je jouais encore au jeu Pokémon Go que tout le monde a joué. Oui, même Thomas. Il essayait. Ah, je te promets, j'ai jamais installé l'application. Tu lançais les boules pour essayer d'attraper des micros, des caméras, des. Ouais, c'est ça. C'était pas Pokémon Go, c'était. Alors pour ceux qui connaissaient pas Pokémon Go, c'était une application qui a fait le buzz durant un été. Et, français. Oui, Indochine. Qui a les cheveux blonds, on sait. Maintenant, oui. On a bien retenu l'émission. Et donc c'était un gros buzz, une application où en fait il fallait se balader dans la rue et avec son appareil photo, on repérait des espèces de petits bestiaux qu'on pouvait capturer et faire une collection de bestiaux. Donc en gros, créer un zoo. Voilà. Allez, Kylian, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on enchaîne, il est 22h. C'est vrai. Alors je termine. Alors, donc... calme-toi. Donc je jouais à Pokémon Go. Il y avait le Pokémon Je sais plus le nom, c'est un, c'est une chauve-souris en fait. Mais il était comment? C'est un des loups de fou là, l'autre mocheté. Et donc, donc c'était donc le Pokémon papillon, tu vois. Ah, et oui. Je me dirige vers la fenêtre. Ah. À ce moment-là, tu vois, j'étais accoudé, voilà, sur le compte. Enfin bref, on s'en fout. Et donc, j'étais content, je crie dans la maison à ce moment-là, ouais, j'ai... parce qu'en fait, ma sœur joue aussi à Pokémon Go avec son copain. Enfin bref, voilà. Uh-huh. Et donc, au moment où je veux prendre la chauve-souris. Je suis content, je l'ai. Et là, je vois un truc noir passer devant mon visage. Oh non. Eh ben si. Je commence à me réfugier en dessous d'un meuble. Je fais, oh purée, c'est quoi ça? Et en fait, il y avait une chauve-souris qui est rentrée dans la maison. Oh non. Si, parce qu'en fait... Une vraie, oui. C'est, en fait, c'était un appartement, mais qui était situé au grenier. Enfin, tout en haut de la maison, tu vois. Du coup, on était vraiment juste en dessous de la toiture. Ah ouais. Et donc, la chauve-souris est rentrée. On a ma sœur, son copain, d'abord sont mis sous la couette pour en attendant pour éviter que la chauve-souris vienne sur eux. Ensuite de là, on a été se mettre dans la salle de bain. Mais c'est une aventure de dingue. C'est une aventure de dingue, oui. Et de la salle de bain, j'ai quand même pris mes jambes à mon cou. Et j'ai... ça, c'est douloureux, messieurs. Ça, c'est douloureux. Parce que j'aime autant vous dire que vu ma taille, j'ai du mal et parfois je reste bloqué. Il va le refaire en direct. Voilà, ça a cassé, je pense. Il s'est fait un claquage. Et donc, ça continue. Et donc, ça continue. Je sors de la salle de bain. Et il crie, tous à poil. Tous à poil, on se caresse. Okay. Non, non, et donc je cours. Non, je cours pas, qu'est-ce que je dis? Je sors de la salle de bain. Et je vais, avec le copain de ma sœur, attraper la chauve-souris. Donc, on monte à l'étage. Donc, en fait, toi, c'était sur hauteur, l'appartement. Et donc, au niveau de l'étage du dessus. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il crie dans l'appartement. Et j'étais au comptoir. Ok. Et donc on continue. Donc je monte les escaliers pour aller à l'étage, là où il y avait la chauve-souris. C'est un peu comme un balcon, comme ça, voilà. Bref. Et donc je suis au niveau du. De la pointe. Dans une église ou quoi? Mais non, mais au niveau de la pointe du toit. Eh ben, la chauve-souris se baladait en l'air, vu qu'elle n'allait pas rester à ras de sol, donc elle était en l'air. Avec le copain de ma sœur, il m'explique que pour attraper une chauve-souris, il faut lancer un drap dessus ou un tissu, quoi. C'est vrai, mais attention à ne pas les blesser, car c'est effectivement illégal. Voilà. De blesser ces bêtes-là. C'est ce qu'il m'a expliqué au moment d'essayer d'attraper la chauve-souris. Alors, j'aime autant dire que sur le moment où tu as les chauves-souris en face de toi, tu t'en fous un petit peu, tu vois. Bon, on a fait très attention, donc il lance le drap, paf, bah il a loupé. Il reprend le drap, il le relance, paf, il l'a. La chauve-souris est sous l'essuie. On la met dans une boîte. Et là qu'est-ce qui se passe? La petite tombe sur la chauve-souris est morte. Non, je rigole. Oh la fin tragique. Non, c'est pas vrai. Non, et donc on a eu la chauve-souris qu'on a mis dans une boîte. Et on l'a relâchée ensuite dehors. Et voilà. Et elle est saine et sauf à l'heure actuelle. Mais attention, parce que quand elle est rentrée, la chauve-souris est re-rentrée, on ne sert à pas. Le mec qui exagère. Il lui est non, tout arrivé. Non, mais c'est fou quand même, quoi. Genre, ah, non. Mais non, mais comme par hasard, non, tu t'imagines quand même le truc, on pourrait même ne pas me croire, mais je joue à Pokémon Go. Bon, déjà, ça c'est honteux. Non, je rigole. Je joue à ça, j'attrape la chauve-souris, et il y a une chauve-souris qui rentre à ce moment-là. La coïncidence, quoi. Genre j'aurais pu attraper n'importe lequel autre de ouais, c'est pas très français, c'est pas grave, c'est l'habitude avec moi, mais là ça tombait sur la chauve-souris et il y a une chauve-souris qui rentre mais dans la maison. D'ailleurs c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ah bah voilà. Et donc, comme quoi c'était une phobie bien méritée. Ouais, une phobie non, ça peut être mais t'as la phobie des animaux volants la nuit? Non, pas forcément. Ah, je pensais. Bah, j'aime pas trop, oui, mais bon, je veux dire, s'il y en a, je me réfugie dans la terre. Ok, très bien. Et donc, au final, la chauve-souris est morte. Voilà. Non, je rigole. Écrasée par une voiture, repassée en dessous d'un camion, et au final, elle a fini dans mon assiette. Oh non! Ah, si. On lui a arraché la tête, les petites ailes. Allez, on va en rester là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je trouve, non? Bah, oui, pourquoi pas. Allez, n'oubliez jamais, les amis. La vie est belle aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. C'était un réel plaisir d'avoir fait ces 2 heures de direct et d'être revenu de Mons, rien que pour vous. Vous divertir tous les samedis en direct, partager les podcasts, iTunes Podcast. Vous pouvez nous trouver partout de toute façon. Salut Kylian, à la semaine prochaine. Salut Thomas, à la semaine prochaine. Salut Thomas. Salut Thomas, dans le 19-20h et dans le 20h-22h dans l'émission Jadul. Merci à vous, à la semaine prochaine. out. Il est actuellement 22h05. Voici tous les meilleurs humoristes maintenant qui s'enchaînent sur IRFM.